Suzanne, on sait bien qu'apporte le pied, on le sait bien. Escapade inévitable, découlant de mon euphorie matinale. Et profitant de cette balade, dans mes pensées je m'évade. À l'ombre de la rue, je suis tombé sur une, je sais plus. Son prénom, je me rappelle plus, malgré toutes les fois où je l'ai vu. Il ne m'est pas inconnu, et comme je suis poli, je le salue. Je lui dis ça va, il me dit ouais, tranquille. J'aurais pas m'attarder là-dessus. Tentative implicite d'esquiver la causette. Mais le disque est lancé, et jamais ne s'arrête. La conversation démarre, attention. Entre guillemets, car pendant qu'il monologuait, je me contentais d'acquiescer. Pendant que tu débitais, pendant que tu débitais, quand j'avais pas le temps de parler, mon cerveau bouillonnait. Mon cerveau bouillonnait, dans ma tête je me disais, je suis pas intéressé, t'es pas intéressant. C'est qu'on s'y passe au long de ce que tu me parlais du temps. Mais dans ton vocabulaire, le mondial en déguste pas. Que tu casses pour ton air, alors n'insiste pas. Je suis pas intéressé, tu sais, t'es pas intéressant. C'est qu'on s'y passe au long de ce que tu me parlais du temps. Mais dans ton vocabulaire, le mondial en déguste pas. Tu casses pour ton air, alors n'insiste pas. Pour te lamenter, mais passe une tête de platine pour écouter ton discrayé. Ton discrayé, ton discrayé, ton discrayé, ton discrayé, ton discrayé, ton discrayé, ton discrayé, ton discrayé, ton discrayé, ton discrayé. Comprends que je sois dérangé, que la transmission soit mouillée. À l'idée que ma mission n'est autre que de te faire briller. Face à toi, je me sens comme un grand panier en osier. Où tu viens jeter des mots tout droit sortis de ton gosier. Comme des pièces de Lego pour fortifier ton ego. Je réagis pas quand tu me racontes tes ébats. Un simple échange de phrases avec toi m'aurait convenu. Des bons dialogues de base, même s'il y a des hauts et des bas. Mais là, y'a pas de débat, y'a trop de débit, j'oublie le début. Pendant que tu débitais, pendant que tu débitais, quand j'avais pas le temps de parler, mon cerveau bouillonnait. Mon cerveau bouillonnait, dans ma tête je me disais, je suis pas intéressé, t'es pas intéressant. C'est aussi passionnant que si tu me parlais du temps. Mais dans ton vocabulaire, le mondial en n'existe pas. Tu te gaspilles pour ton air, alors n'insiste pas. Je suis pas intéressé, tu sais, t'es pas intéressant. C'est aussi passionnant que si tu me parlais du temps. Mais dans ton vocabulaire, le mondial en n'existe pas. Tu gaspilles ton air, alors n'insiste pas. Je voudrais bien dire que je vais devoir me tailler. Mais si j'arrive à l'ouvrir, c'est uniquement pour bailler. Moites sont mes mains, dans mes jambes, des crampes se font sentir. Y'a combien de heures du matin, Carius y a s'enfuir. Soudain, je prends ta respiration, mais tu passes au thème portable. Tu sais, la liste de tes options ne m'est pas plus supportable. Passons du récit autobiographique aux explications techniques. Si t'avais une ardoise, tu aurais même fait des graphiques. Pendant ce développement oratoire, parlons de toi, de ton nouvel objet. Ajoutons à l'histoire la fameuse technique du moi-je, moi-je. J'ai découvert tes sonneries, ta nouvelle tonalité, et ainsi que ta protection ergonomico-incassable. Et moi, je découvrais tes conneries, ta personnalité, ainsi que ta prétention égocentrique et inclassable. De ce poulet en combat, j'ai réussi à me hisser. J'suis parti en courant comme une envie de pisser. Je suis retourné dans mon lit de bonheur et plus de mauvaise humeur. La nuit s'annonce, c'est difficile, je voudrais m'entendre.